Au gazon foulé par Éléonore. Trône de fleurs, lit de verdure, gazon planté par les amours, recevez l'onde fraîche et pure que ma main vous doit tous les jours. Couronnez-vous d'herbes nouvelles, croissez, gazon voluptueux. Qu'à midi, zéphyr amoureux vous porte le frais sur ses ailes, que ces lilas entrelacés, dont la fleur s'arrondit en voûte, sur vous, mollement renversés, laissent échapper, goutte à goutte, les pleurs que l'aurore a versés. Sous les appas de ma maîtresse, ployez toujours avec souplesse, mais sur le champ, relevez-vous. De notre badinage amoureux, ne gardez point le témoignage, vous me feriez trop de jaloux.